Est-ce que vous croyez que, par le biais de cette commission d'enquête, la Belgique a entamé ou réalisé, son devoir de mémoire par rapport à cette responsabilité? Mais non, moi je crois que cette commission était déjà un début, et il faut quand même souligner que c'est un bon travail, parce que on attend toujours que la France fasse la même chose pour tous les assassinats politiques de Mbarka, de Moumié, de tous les leaders de l'indépendance. Les autres pays, la France, la Grande-Bretagne et tout ça, non, sont loin de faire cet exercice. Donc c'est déjà un bon début qu'il faut saluer. Mais ce n'est qu'un début, parce que là, il y a tout de même eu mort d'homme, il y a tout de même eu l'assassinat d'un être humain, père de famille, chef leader politique, d'un parti politique, d'un représentant élu. Et donc, en permettant, en encourageant son assassinat, on a privé une famille de son chef de famille. Cette famille n'a jamais été dédommagée ni soutenue par la Belgique. On a décapité un parti politique et on a surtout décapité le système démocratique d'un jeune pays indépendant. Et où sont les réparations de la Belgique pour tout cela? Jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Et quelles pourraient être les formes de réparation? Parce que ce dommage n'est pas mesurable. L'avenir politique qui était promis au Congo, qui sortait de sa table ronde, qui a accédé à l'indépendance, qui avait constitué un gouvernement, ces manigances l'ont privé d'un avenir politique, et un avenir politique qui était à écrire. Patrice Lumumba avait 36 ans. Quelle est la bonne réparation pour une perte et un manque pareil à l'échelle d'une nation? Je crois qu'il n'y a pas de réparation possible. Il y en a une toute petite qui pourrait déjà être faite, c'est aller au niveau de la famille, de l'épouse de Lumumba, de ses enfants, quelque chose d'humain au niveau de sa famille. Mais ça, c'est évidemment une goutte d'eau dans l'océan. Alors, la réparation, parce qu'après, il y a quand même eu un demi-siècle de souffrance, d'oppression, de dictature, qui sont dans la suite logique de l'élimination de Lumumba. Des crimes pareils, on ne peut pas les réparer. On ne peut le compenser qu'en prenant une option sur le futur, en étant aux côtés du Congo, des démocrates congolais, du système congolais, en encourageant les Congolais à poursuivre dans cette voie démocratique où ils se trouvent maintenant, en allant d'aller aux élections, de renforcer les institutions congolaises, de renforcer tout ça. On ne peut faire que réparer que en prenant une option sur le futur et en aidant la réalisation peut-être du projet politique de Lumumba, qui n'était pas aussi révolutionnaire qu'on l'a dit, qui était simplement de prôner que les Congolais bénéficient des richesses de leur pays. Si la Belgique pouvait au moins faire ce plaidoyer-là, faire en sorte que la population bénéficie enfin des ressources qui sont aujourd'hui aux mains des multinationales qui interviennent dans les contrats miniers et soient débarrassées totalement de la dette. Bon, on a déjà allégé considérablement la dette, mais enfin, il reste encore 3 milliards de dollars. Donc, des conditions économiques meilleures pour le nouveau Congo, ce serait une petite forme de réparation, parce que les 50 années perdues, personne ne pourra jamais les rattraper. Je crois que la Belgique mûrit, que l'opinion belge est de plus en plus prête à entendre ce type de discours et ce type d'analyse, et qu'il y a encore de larges pans de l'histoire coloniale ou postcoloniale qui doivent être investigués. Et je vous donnerai un seul exemple. Les chercheurs vous disent que c'est impossible, mais moi je ne le crois pas. Quel est le bénéfice exact que la Belgique a tiré de la colonisation? Quels sont les comptes des sociétés belges? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès à leur bilan d'année en année? C'était des grandes sociétés qui ont rapatrié toute leur comptabilité et leurs avoirs en Belgique. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder la comptabilité officielle et la comptabilité non officielle, parce qu'il y en avait deux, il y en avait une en clair et une autre, et voir quels sont les bénéfices, où est parti l'argent du Congo? Il a bénéficié à quelle société, à qui, dans quel compte, quels sont les gens, les familles, les sociétés, les groupes qui se sont enrichis? Où est parti l'argent? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce genre d'études? Des chercheurs m'ont répondu en disant: nous n'aurons jamais le financement. On pourrait le faire sur le plan technique, on pourrait le faire, c'est un travail de longue haleine qui prendrait des années, on pourrait le faire. Mais ils m'ont dit: on n'aura jamais, aucune université, aucune fondation ne nous donnera jamais l'argent pour faire cette étude. Pourquoi on ne peut pas trouver l'argent pour faire ce type de travail? Je crois que pour la Belgique, ce serait, il y aura un bénéfice moral, c'est que aussi ça ouvrirait les yeux à nos compatriotes et ça nous permettrait d'être un peu modestes et un peu lucides sur nous-mêmes. Et donc ce travail d'introspection ne pourrait qu'être bénéfique à l'opinion belge et dissiper un peu certaines illusions du rôle, sur le rôle, entre guillemets, le rôle civilisateur de la Belgique. Ça permettrait de resituer un peu les choses dans leur réalité. Ce serait très bien. Et je pense que pour les Congolais, ça aurait un rôle important aussi, parce que ce qui me frappe jusqu'aujourd'hui, hein, jusqu'en 2011 au Congo, c'est un certain complexe des Congolais. C'est qu'ils ont tellement intériorisé le regard des Blancs, des Belges sur eux, ce regard dénigrant, ce regard qui les infantilise, qui a été le propre de ce regard colonial. Il a été tellement intégré et transmis de génération en génération, que les Congolais aussi auraient besoin de guérir de ce regard belge sur eux, de reprendre confiance en eux-mêmes, en leurs ressources. Est-ce que Lumumba signifiait quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'il vous a manqué? Vous avez eu cette impression? Ben oui, moi j'étais très jeune à l'époque en 60, au moment de son assassinat, mais c'est tout de même un événement qui avait marqué l'opinion à l'époque, même si on était encore enfant, on suivait tout ça à la radio, et moi j'avais le sentiment, j'avais pas les éléments d'information, parce que bon, on les avait pas dans l'opinion belge, mais qu'il y avait quand même quelque chose qui passait, qu'il y avait une immense injustice qui avait été commise, qui était l'assassinat d'un homme qui portait quelque chose pour son pays. Et je ne sais pas pourquoi, moi je pouvais pas expliquer pourquoi, mais j'avais le pressentiment d'un crime avec des conséquences gravissimes qui avait été commis, dans lequel des milieux belges étaient impliqués, et le sentiment qu'on ne nous disait pas tout, qu'on ne savait pas quoi. Et moi, à l'époque, je ne sais pas, je crois 12 ans, et j'essayais de lire la presse un petit peu de l'époque, je ne comprenais rien, j'avais l'impression qu'en tout cas, on ne disait pas la vérité. Et donc, ça m'a un peu poussée par la suite, longtemps après, à dire, mais il faudrait quand même un peu en savoir plus, quoi, parce que c'est comme un cadavre dans le placard, on a fermé les portes, mais vous avez toujours l'envie d'aller ouvrir cette porte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur.